Êtes-vous prêt pour 2 heures de blues? Bonsoir, bienvenue sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mon nom est Denis Baudin. L'émission s'appelle Très Blues à C'est Fou. Je suis très heureux d'être de retour en ondes après la période des fêtes. C'est l'émission numéro 11 de Très Blues à C'est Fou. Ce soir pour vous, Guy Davis, beaucoup d'Otis Rush, du John Mayall, du Blackberry Smoke, des Black Crowes, CCR, la chronique de Paul Deslauriers, et on commence immédiatement avec Guy Davis. La pièce s'appelle Like Sunny Did. Shake it like Sunny did. I could get me a rocket and fly up into space. Have all them aliens looking. That rocket and they pop the lid. I'm gonna jump out and shake it like Sunny did. Well, I can put you down for a while. Well, you know I can't quit you, baby. But I gotta put you down for a while. You messed up my happy home, baby. You made me mistreat my only child. Yes, you know I love you, baby. My love for you I could never hide. Yeah, you know I love you, baby. My love for you I could never hide. Yeah, you know I love you, baby. Well, you know you're my desire. When you hear me moaning and groaning, baby, you know it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me moaning and groaning, baby, oh, you know it hurts me deep down inside. Yes, when you hear me holler, baby, well, you know you're my desire. Otis Rush. Otis Rush est un individu de Philadelphie qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, toujours actif. On dit qu'Otis Rush a eu des périodes assez particulières dans sa carrière. Il a débuté en 1956, c'est un créateur brillant. Il avait avec un style du West Side Sound de Chicago. Il a pris une longue, longue éclipse et il est revenu après 1974. Il y a eu un retour actif sur la scène du blues et son retour à l'époque s'est révélé assez décevant. Pendant cette période-là où il était inactif, il a continué de perfectionner son jeu de guitare et Otis Rush est encore... encore aujourd'hui, donne des performances à l'occasion. La prochaine pièce, c'est une pièce encore d'Otis Rush qui va nous être en compagnie de Eric Clapton. La pièce s'appelle All Your Lovin'. Thank you. Otis Rush et Eric Clapton. Il faut croire que Otis Rush est un guitariste qui aime beaucoup jouer avec des Anglais. La prochaine pièce sera avec John Mayall. John Mayall est un bluesman, un guitariste, un artiste que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. La pièce s'appelle So Many Roads. standing here. La voix de Otis Rush, supportée par la guitare de John Mayall et surtout la guitare de Otis Rush. Nous avons entendu ce soir trois pièces d'Otis Rush. Une avec, comme je vous disais, avec John Mayall, une avec Eric Clapton et une seule. Otis Rush a produit plusieurs albums, a un jeu de guitare très particulier. C'est un artiste qui fait toujours plaisir à découvrir. Le prochain artiste que je vous présente est un groupe qu'on a eu la chance de voir évoluer au Festival de Blues de Trois-Rivières cet été, Blackberry Smoke. Blackberry Smoke est un groupe d'Atlanta qui est construit autour du chanteur Charlie Starr. C'est un blues rock assez particulier, intéressant, avec beaucoup de guitares et un drum assez lourd habituellement. La pièce qu'on vous fait écouter aujourd'hui s'appelle Shaking Hands. On a un petit problème avec notre nom de pièce. Shaking Hands with the Holy Ghost. Split the night wide open. I ain't écoutez Très Blues Assez Fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Oh! la pièce qu'on vient d'entendre s'appelle le She Talks to Angels. Le groupe s'appelle The Black Crowes. The Black Crowes, c'est un groupe qui a été fondé en 1989, qui est malheureusement dissous en 2015. Le Black Crowes n'existe plus. Qui sait, peut-être aurons-nous dans les prochaines années un retour à la musique avec les Black Crowes. Bonsoir, Pat Delaurier. Bonsoir, Denis Baudin. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous nos auditeurs aussi. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, tu m'as fait penser. Je l'ai pas fait tout à l'heure, tu me fais penser que j'ai oublié de souhaiter bonne année aux auditeurs. Rendu au 7, on a encore le droit, Paul. Ben oui, t'es encore dans la semaine. Comme le Boxing Week, c'est rendu la bonne année week aussi. Effectivement. Paul, tu nous amènes ailleurs cette semaine dans notre découverte de l'histoire du blues. Oui, en fait, on avance un peu dans les fins des années 30, début des années 40. Et puis, on a une saveur un peu différente cette semaine. Je vous présente des chansons qui mettent en vedette beaucoup des pianistes. Oui. Et en fait, la première pièce que je vous présente, c'est de l'excellent Big Joe Turner, qui était un artiste de Kansas City. Évidemment, on l'appelait Big Joe à cause qu'il mesurait 6 pieds 2, il pesait au-dessus de 300 livres. Mais c'était un excellent chanteur de blues qui était pendant longtemps accompagné d'un excellent pianiste qui s'appelle Pete Johnson. Oui. Et puis, je vous présente le premier grand succès ensemble. C'est un duo qui était découvert par le grand impresario John Hammond, senior, que je vous avais parlé à un moment donné, qui avait fait au Carnegie Hall à New York un concert qui s'appelle « From Spirituals to Swing ». Et puis, il voulait inviter Robert Johnson pour venir performer en 1938, mais Johnson était décédé déjà. Et puis, c'est ce fameux concert-là aussi où est-ce qu'a participé Big Joe Turner et Pete Johnson. Et je vous présente la pièce qui a été enregistrée en 1939, Rollin' Pete. Problème de son, Paul. On va passer immédiatement à la deuxième pièce et on va trouver un moyen de l'implanter dans quelques minutes. La deuxième pièce, on s'en allait avec Memphis Slim. Memphis Slim, exactement. Je vous présente Memphis Slim qu'on a connu très bien, même dans les années 60 et tout ça. Ça, c'est une chanson qu'on approche dans le temps du Boogie Woogie et tout ça. Oui. On voit M. Willie Dixon à la baisse aussi. Et puis? Donc, la pièce s'appelle Rocking the House. What you say, boy? We rock the house tonight. What you say, boy? We rock the house tonight. My baby's in town, you know I feel alright. Look out, baby. Thank you. got a gal, lives up on that hill. I've got a gal, lives up on that hill. Well, they both try to quit me, Lord, but I love her still. She got eyes like diamonds, teeth shine like lime dyed gold. Got eyes like diamonds, teeth shine like lime dyed gold. Every time she loves me, she sends my mellow soul. You're so beautiful, but you got to die someday. Well, you're so beautiful, but you got to die someday. All I want is a loving bed, give me before you pass away. Roll it, boy, let them jump for joy. Yeah, man, happy as a baby boy. Well, enough, enough, a brand new choo-choo toy. Yeah. Memphis Slim, en premier, on vient d'entendre Big Joe Turner avec Rollin' Pete, Paul. C'est vraiment la porte d'ouverture du boogie-woogie qui s'en vient dans l'air. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment, là, on tombe dans l'air où est-ce qu'on va examiner les années 1940, tout ça, où est-ce qu'ils vont éventuellement amener au rock'n'roll. Oui. Puis, le piano étant vraiment à la base de ce qui est tout, tu sais, le mouvement boogie-woogie, en oui. fait, c'est vraiment basé sur le piano, tout ça. Et ça me fait plaisir de vous présenter le troisième artiste. C'est une chanson qui est vraiment qui fait partie du lexicon là, de classique de blues, ouais, comme des chansons comme Sweet Home Chicago et tout ça. Et puis ça a été une des premières chansons a été intronée dans le Blues Hall of Fame comme un classique du blues. Et puis maintenant, je vous présente Big Maceo Merriweather qui nous chante Worried Life Blues. Oh Lordy long, oh Lordy long, it hurts me so bad, for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many nights since you've been gone, I've been worried and grieving my life alone. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So many days since you went away, I had to worry both night and day. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. No, boy, I ain't gonna worry my life no more. Yeah, yeah. Place I go, how much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. So that's my story. This is all I got to say to you. Goodbye, baby, and I don't care what you do. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore. Big Miss You, Mary Water, Worried Life Blues. Paul, c'est la pièce originale, c'est une pièce qui a servi, qui a été réinterprétée souvent. Oui, tout à fait. En fait, comme j'ai mentionné avant de faire jouer la pièce, là, que c'est vraiment une chanson qui fait partie des classiques dans le répertoire blues. Mm-hmm. Et puis, on peut très bien, on connaît sûrement, les amateurs de blues connaîtront la version de Eric Clapton, par exemple, oui. Et beaucoup d'autres artistes. Même moi-même, personnellement, mon band des années 90, on avait sorti un album live, et puis on avait fait une version de Worried Life Blues sur notre album Bonafide aussi. Du Black Cat, c'est vraiment... Oui, exactement. C'est vraiment parce qu'on avait un excellent pianiste dans le groupe, oui. Paul Bonus ici. Et puis, Paul, c'était un grand amateur de Big Missy au Very Well, d'ailleurs. C'est comme on disait plus tôt, on commence à rentrer dans autre chose, on commence à rentrer dans des qualités d'enregistrement qui sont de meilleure qualité aussi. Les studios devenaient plus... Ben, écoutez, technologiques c'est sûr pour que ça devient plus abordable au niveau sonore et tout ça. C'est moins austère que les enregistrements qu'on écoutait là, des années 20 et tout ça. Et donc, la technologie devient plus intéressante au niveau de l'enregistrement et puis les studios deviennent... ça devient de vrais studios d'enregistrement à place d'être un système pour faire des disques en shellac là, oui. Dans une chambre d'hôtel qui transportait dans le derrière de l'automobile. Alors, c'est vraiment... C'est intéressant. Moi, je trouve ça absolument fascinant de voir le cheminement que la musique a fait. Et puis, évidemment... À travers le blues, on a exploré ça ensemble. Puis, c'est vraiment le fun. Ça fait vraiment un plaisir de faire ça avec vous toutes les semaines. Ben, c'est plaisant de te recevoir et d'échanger sur le blues et de participer à nos connaissances. Comme j'ai dit au début, quand j'ai présenté mon projet d'émission, je voulais découvrir le blues avec les auditeurs. Donc, tu nous permets d'aller plus loin dans nos connaissances. Ben, écoute, c'est un vrai plaisir pour moi parce que, écoute, c'est la passion de ma vie. Donc, c'est un plaisir. On se fait plaisir mutuellement, puis en espérant que nos auditeurs ressentent le plaisir aussi. Le début janvier va être occupé. On est en pratique, oui. J'imagine, pour le contest à Memphis. À Memphis, en fait, oui. Le 14 janvier, on est au Pub Saint-Tube à Bromont, mm-hmm. Pas de Rieban, un spectacle-là. Et puis le 15 janvier, on est au Calistoga Grill. À Pointe-Claire. Okay, et ensuite, le 21 janvier, soir de ma fête, on célèbre mon anniversaire et puis c'est le party de on appelle le send-off pour Memphis. C'est notre dernier show à Montréal, au Petit Café Campus, le 21 janvier, avant notre voyage, notre grand voyage à Memphis pour la semaine du International Blues Challenge. On va tenter de faire quelque chose avec toi le 21, on va faire ça plus tôt. Alors. Ouais, c'est ça. Ça va être une journée chargée. On va te chercher, on va te trouver. Qui sait, peut-être qu'on ira faire l'émission en direct de la boîte. Ça serait vraiment cool. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Paul, je te remercie encore pour ta participation. La prochaine pièce pour les auditeurs, on va écouter un trio, trois pièces collées de CCR, Creedence Clearwater Revival. La pièce s'appelle Midnight Special. Midnight Special, Paul, c'est une pièce qu'on a déjà écoutée ici. Oui, en fait, je l'avais présenté dans une des premières émissions, qui est une chanson qui a été enregistrée pour la première fois par Leadbelly, Judy Leadbetter, dans les années 30, 40, et c'est un classique, vrai classique, Midnight Special. Puis là, on va écouter ce qu'on fait CCR, et ça a été d'ailleurs un très grand succès pour eux autres, Midnight Special. On écoute à l'instant. Merci. Bonne semaine. À la prochaine. March you to the table. You see the same old thing. Ain't no food upon the table. There's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. Yonder come Miss Rosie. How in the world did you know? By the way she wears an apron and the clothes she wore, umbrella on her shoulder, piece of paper in her hand. She come to see the governor. She want to free her man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. CCR, Midnight Special. On écoute la prochaine pièce, encore une pièce de CCR. CCR qui est un rock très bluesy, donc on va écouter la pièce Penthouse Popper. Now it's écoutez Très Blues Atifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Yonder, out here. CCR, Creedence Clearwater Revival. Vous êtes sur CIFU 89.1, très blues assez fou. Mon nom est Denis Baudin. Merci d'être là. Merci d'être avec nous ce soir. On va vous présenter dans les prochaines minutes notre palmarès des albums blues des dernières semaines. On a été quelques semaines sans y être. On commence avec la 10e position, palmarès Billboard des albums blues. Un groupe qui fait son entrée cette semaine qui s'appelle Mike Zito and the Wheels. L'album s'appelle Keep Coming Back et la pièce s'appelle Keep Coming Back. Coming back, give your better to the blues. Keep coming back, Lord. What do you got to lose? Well, I walked the road of thunder, I walked the road of pain. Yeah, my ego got the best of me, and now entrée en 10e position par Marès Billboard des albums blues, Mike Zito and the Wheels, Keep Coming Back, en perte de 2 positions en 9e position cette semaine, Different Shade of Blues de Joe Bonamassa, et en 8e position, on écoute Greg Hagman de son album Live Back to Macon. La pièce s'appelle No Angel. So I won't crumble at your feet. I know, baby, La huitième position du palmarès Blues Billboard, Greg Allman, dans l'album Greg Allman Live Back to Macon, enregistré le 14 janvier 2014. L'album était en huitième position la semaine dernière et est toujours en huitième position. En septième position, en hausse de 3, on a l'album de Leslie West qui s'appelle Soundcheck. En sixième position, qui est demeuré stable, un autre album de Joe Bonamassa, c'est Muddy Wolf at the Red Rocks, que Steven Dubin nous avait présenté il y a quelques semaines. En cinquième position, en perte de 2, l'album Live at the Radio City Music Hall, encore de Joe Bonamassa. Bonamassa qui a 3 albums au palmarès Billboard cette semaine. Et en quatrième position, on vous présente une pièce de Body Guy de l'album Born to Play Guitar. I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation, and everybody knows my name. I was born to play the guitar. People, I got blues running through my veins. Women in Chicago, they love me to the bone. But my love for my guitar keep me far away from home. I got a reputation. Oh, everybody knows my name. Yeah. I was born to play my guitar. I got the blues running through my veins. Strings loaded on my bad machine. Show me the money, and I'll make this damn thing scream. I'm gonna keep on playing, and on my dying day, a polka dot guitar will be rusted. got this young reputation, and everybody knows my name. What a guy that is. You know I was born to play this here guitar. I got the blues running through my veins. La quatrième position du palmarès Billboard des albums blues, Born to Play Guitar de Buddy Guy. Buddy Guy avec son jeu de guitare assez particulier. C'est un beau retour pour un homme de cet âge-là, hein, directement sur les palmarès. En troisième position, la semaine dernière, il était en cinquième position, donc il fait un gain de deux positions, Gary Clark Jr. avec son album Live. Et en deuxième position, qui était dernier, la semaine dernière aussi en deuxième position, comme je dis à chaque fois, je le présente, quelqu'un qu'on a eu la chance à Trois-Rivières de voir jouer, Billy Gibbons de ZZ Top avec son album solo qui s'appelle Perfectamundo, et on écoute la pièce titre. Perfectamundo, Billy Gibbons avec son album du même titre, c'est Billy Gibbons and the BFGs. L'album s'appelle, comme je vous disais, Perfectamundo. Vous êtes toujours sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Mon nom est Denis Baudin. L'émission s'appelle Très Blues Assez Fou. La première position du palmarès Billboard de cette semaine pour les albums blues, il est encore après 16 semaines en première position. C'est son deuxième album sur le palmarès, Gary Clark Jr. L'album s'appelle The Story of Sonny Boy Slim. Et on vous présente cette semaine la pièce Shake. c'était les pièces de notre palmarès hebdomadaire des albums blues directement inspirés par le magazine Billboard. Je vous rappelle la 10e position, Mike Zito and the Wheels, Keep Coming Back. En 9e position, Joe Bonamassa, Different Shades of Blues. Greg Allman en 8e position avec Greg Allman, Live Back to Macon. Soundcheck de Leslie West en 7e position. En 6e position, Muddy Wolf at the Red Rocks, l'album de Joe Bonamassa. En 5e position, aussi l'album de Joe Bonamassa, Live at Radio City Music Hall. En 4e position, Buddy Guy Born to Play Guitar. En 3e position, Gary Clark Jr. avec l'album Live. Billy Gibbons and the BFGs, Perfect Mundo en 2e position. Et encore en 1e position, qui trône depuis plusieurs semaines, Gary Clark Jr., The Story of Sonny Boy Slim. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Thank you. La pièce que nous venons d'entendre s'appelle Blue Tongue Blues. Le groupe s'appelle Lazy Eye. Lazy Eye est un trio d'Adélaïde en Australie. Ce trio représentera la région d'Adélaïde au même International Blues Contest de Memphis à la fin janvier. Et le trio pourrait créer de sérieuses surprises. Alors, on écoute une autre pièce de Lazy Eye qui s'appelle Don't Call the Doctor. Call the Doctor, Lazy Eye, comme je vous disais, est un groupe de blues, un trio blues d'Adélaïde en Australie. Je vous invite à vous rendre sur le site de la Blues Foundation, blues.org.org, si vous voulez aller voir la liste des groupes et des chanteurs solo qui se produiront au International Blues Contest de Memphis à la fin janvier. La prochaine pièce que nous allons écouter est un Québécois. On a un des excellents harmonicistes québécois qui a vu remporter plusieurs prix au Les Blues Award, Guy Bélanger, avec la pièce Morning Lights. Thank you. La prochaine pièce qu'on va vous faire entendre est une pièce de Led Zeppelin. Vous vous souvenez que Led Zeppelin est à la base un groupe de blues. Alors, on va écouter une pièce de Led Zeppelin qui s'appelle Since I've Been Loving You. Mais avant, je vous dis merci. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir été sur Très Blues Assez Fou pour la 11e émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Love you, baby. baby, how I love you, darling, how I love you, baby. My love, little girl, baby, since I've been loving you, yeah. I'm about to lose my worry. You didn't want me, mama. C'était l'édition numéro 11 de Très Blues Assez Fou. Mon nom est Denis Baudin. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. On vous remercie d'avoir été là. Je remercie le collaborateur Paul Delaurier. Paul, d'avoir été avec nous, comme à toutes les semaines. La semaine prochaine, on vous donne rendez-vous pour encore 2 heures de blues.